Chapitre 6. Assez, assez. Il ne penserait plus aux mots. Il ne penserait plus à la montre. Il voulait la paix. Pax. Deux lettres et deux os en croix sur une tête de mort. Il tenait le remède. Chut. Ce ne serait pas Germaine et c'est repose-toi. Ce ne serait pas le docteur et c'est... Dans quelques instants, il se retiendrait de bouger. Il fermerait les yeux, il aurait l'air de dormir. Et alors... Ah, une cloche. Un, deux, trois, quatre, cinq. Parfait, 5 heures. C'est à 5 heures que l'on se met en route pour conquérir la paix. Mais pas tout de suite. D'abord, il compterait jusque... Du diable! Jusqu'à combien compterait-il? Jusque 1000? Ce serait trop. Jusque 100? Encore trop. Jusque 5, simplement, mais sans se presser. 1, 2, 3, comme les coups de la cloche. 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, attention, ne bougeons plus. Je ne bouge plus, je ne bouge plus. Cela prend très bien. Ma femme se lève déjà. Chère Germaine, comme elle s'efforçait de marcher en douceur, et cette façon de lui ramener la main, et cette sollicitude. Tu dors ? Eh oui, je dors, va, va donc. Ouf, parti. Ce qu'elles sont peu clairvoyantes, les femmes. Fermer une fenêtre, comme si cela ne s'ouvrait pas, et s'embrouille encore bien. Tiens, comme il était haut, ce mur, et la rue, comme elle s'allongeait. Tant pis, on connaît sa gymnastique. Une escalade, un saut de chat, et maintenant, au trot, jusqu'à l'église. Ah, vous voyez bien, c'est Dieu qui lui avait donné son idée. Dieu lui-même avait envoyé ce prêtre dans l'église. Bonjour, mon père. Quoi, ce n'était pas la peine de sursauter, mon père. Ce qu'il voulait? La paix, mon père. S'entendre dire, allez en paix. Pour cela, se confesser tout de suite, là, dans votre... Oui, vous dites le mot, dans votre tribunal de la pénitence. Mon père, je m'accuse. S'accuser de quoi? Depuis le temps, mon Dieu, il s'accusait de tout, mon père. Péché véniel, péché mortel, péché en action, péché en pensée. En pensée surtout, mon père. Par exemple, en pensée, il avait tué une femme. Mais il ne s'agissait pas de cela. À la bonne heure. C'était un brave homme, ce prêtre. Pas de ces tatillons qui vous tourmentent. Combien de fois? Bien, mon enfant, bien, mon enfant, bien, mon enfant. Tout était bien. Et avec cela, indulgent. Comme pénitence, vous réciterez 3 ave. Comment, rien que 3? Eh oui, il les réciterait avec recueillement, mon père. Et maintenant, allez en paix. Enfin. La paix, il tenait la paix. Le prêtre l'avait dit. Était-il bien certain que le prêtre l'eût dit? Vous l'avez dit, n'est-ce pas, mon père? Allez en paix. Oui, mon enfant. 3 ave, et puis allez en paix. Merci, mon père. Cette fois, il la tenait. Ou plutôt non, il ne la tenait pas. Il ne la tenait pas tout à fait. Le prêtre avait dit 3 ave, et puis allez en paix. Il avait donc d'abord à réciter ses 3 ave. Baste, 3 ave, ce ne serait pas long. Attention, n'y avait-il personne? Un homme qui sort d'un confessionnal a toujours un peu l'air d'une bigote. Que dirait Germaine? Que penseraient les amis? Lui, une bigote, parce qu'il avait mal dans la tête, parce qu'il s'était fait dire « Allez en paix ». La paix, entendez-vous? Les autres seraient bien surpris. Hier, il avait épié Germaine. Elle se touchait le front, elle disait « Ce pauvre petit, je crains bien que... » « Non, madame, on ne se touche pas le front. On ne craint pas que... » Votre petit cherche la paix. Votre petit déraillait à droite, puis à gauche. Mais maintenant, Dieu, madame, Dieu lui-même lui avait montré la voie. Hein? Il était dans une église. N'avait-il pas crié trop? Et pourquoi n'eût-il pas crié? Il en avait le droit, il parlait de Dieu. Parfaitement. Dieu, madame, Dieu lui-même. Comme cela sonne quand on invoque le saint nom de Dieu dans une église. Mais il ne s'agissait pas de cela. D'abord, ces trois ave. Là, sur cette chaise, il serait bien. Bien, mais si l'on entrait, trop en vue. S'il prenait plutôt celle-ci, ou cette autre plus loin. À la bonne heure, un petit coin tranquille, quelques bougies et là, devant soi, pas trop haut pour accueillir vos ave, la statue de la Vierge. Pas très belle, cette statue. Trop de rouge, trop de vert. Et quels yeux! Des yeux de poupée, et son Jésus comme une autre poupée dans ses bras de Sainte Vierge en poupée. Eh! S'arrête-t-on à ces balivernes? Trop rouge, trop verte, poupée si cela vous plaît, cher monsieur, elle n'en représente pas moins la Vierge, l'Immaculée, celle qui recevra vos trois ave et vous donnera en retour la paix. En attendant, dites-les. Au nom du Ah! Mais à quoi donc pensait-il? Assis, il était assis. Se pavane-t-on sur une chaise quand on récite les trois ave de sa pénitence? Allez en paix, c'est bel et bon. Cette paix, on la mérite. On la mérite à genoux. À genoux, pécheur. Sur les dalles? Non, ce serait ridicule. À genoux quand même. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Si ce n'est pas stupide. Petit disait déjà, ainsi soit-il. On avait beau le reprendre, et après. Qu'est-ce que cela pouvait faire? Dieu était-il un professeur de diction? Non. Alors, tant qu'il lui plairait, il dirait, ainsi soit-il, et encore, ainsi soit-il. Et maintenant, en route. Je vous salue, Marie pleine de grâce le Saint. Et là, que bafouillait-il là? Il priait, sapristi. Prier, ce n'est pas courir la poste. On pense à ce que l'on dit. Y pensait-il? Non. Il le devait, sinon sa prière ne valait rien, et au diable sa bonne paix. Ainsi, en s'exprimant, « Je vous salue, Marie, que faisait-il? » Comme l'ange, il... Quel ange? N'importe, comme l'ange machin, Raphaël, Gabriel. C'est cela, comme l'ange Gabriel. Il arrivait en visite chez Marie. Il saluait Marie. On montre qu'on la salue, que diable. Par exemple, en inclinant la tête, comme ceci. « Je vous salue, Marie. » Bon. De même, il aurait à prononcer plus loin le nom de Jésus. Que font les prêtres quand ils prononcent le nom de Jésus? Ils baissent un peu la tête. Eh bien, lui aussi, il baisserait la tête. Légèrement, moins que pour le salut de la visite, mais avec le respect que mérite le nom de Jésus. À la bonne heure, avec ces deux points de repère, sa pensée ne courait plus le risque de se fourvoyer en route. D'abord sa croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ainsi soit-il, évidemment, n'importe. Je vous salue, Marie. Saluait-il? Oui, il saluait. La preuve, son front était encore penché. Mais, cher monsieur, qui saluait-il? Marie, mais quelle Marie? Pas une Marie quelconque, pas la Marie de son livre, pas cette grosse dame à genoux devant lui et qui peut-être s'appelait aussi Marie. Il saluait la vraie Marie, la Vierge Marie, celle de la statue. On le précise, que diable, par exemple, en donnant un coup d'œil à la statue. Comme ceci. Le front penché pour le salut, les yeux levés vers la statue. Je vous salue, Marie. Parfait. Et pourtant, non. Le salut était bien indiqué, mais je vous. Ces deux mots aussi avaient un sens, il fallait y penser. Ainsi, je, c'était lui. Vous représentez la Vierge. Comment le savoir s'il ne se donnait pas la peine de préciser? Par exemple, pour « je », en se touchant du bout de l'index la poitrine, il indiquerait ce « je ». Puis « vous », cet index, il le tournerait vers la Vierge. Discrètement, bien entendu, pour ne pas avoir l'air de la montrer du doigt. Comme ceci. « Je », l'index sur la poitrine, « vous », l'index vers la statue, puis la tête et les yeux pour « salut Marie ». Oh, cela se compliquait. Évidemment, le prêtre aurait pu le dispenser, mais Enfin, voulait-il, oui ou non, la paix ? Oui, alors on fait le nécessaire. D'ailleurs, trois ave seraient vite dit. Allons en route. D'abord la croix, sans s'inquiéter du teint, si soit-il. Je ? Se touchait-il la poitrine ? Oui, son index s'y trouvait. Vous ? Que devait-il faire ? Ah oui, tourner l'index vers la Vierge. Salut ? Attention, passage dangereux. La tête en bas pour salut, les yeux en l'air vers la Vierge. Ça y était-il ? Incontestablement, son front était presque à terre, les yeux lui faisaient mal à force de se lever pour regarder la Vierge. Salut Marie, pleine de... Halte ! Encore des mots ? Cher monsieur, il ne suffit pas de s'en tenir à quelques points de repère. Il faut réfléchir au sens de tous les mots. Ainsi, pleine. Évidemment, pour la Vierge, pleine ne signifie pas pleine, comme on l'eût dit par exemple d'un tonneau. Mais enfin, il prouverait mieux son attention si, en prononçant le mot, il se figurait un tonneau. Oh, très vite, en sachant bien qu'il ne s'agissait pas d'un tonneau. Et aussitôt après, il compléterait « de grâce » pour que Marie ne s'offensât pas et comprît ce dont il la proclamait pleine. Ce n'était d'aucun de ces produits vulgaires dont on remplit un tonneau, mais de ces bénédictions venues de Dieu qu'on appelle des grâces. Ainsi, du même coup, il définissait le mot « grâce », de même quand il arrivait à « bénir entre toutes les femmes », il penserait « bénie » et pas « bénite », en remarquant que si Marie était bénie, ce n'était pas entre deux, trois ou cinq femmes, mais entre toutes, toutes, toutes. Plus loin, pour le fruit de vos entrailles, il savait pertinemment que ce fruit n'était pas une pomme. Mais l'idée se fixerait mieux en pensant à une pomme, légèrement, sans insister. Et pour entrailles, il préciserait, en lançant un coup d'œil discret et bien entendu chaste, vers ce qui, dans cette statue décidément trop verte, représentait les entrailles de Marie. Par la suite, il rencontrerait encore d'autres mots. Ils auraient leur tour, ils verraient bien. Alors voilà, un bon signe de croix pour commencer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et en route. Je vous... Non. Je... Montrait-il je... Oui, son doigt y était. Vous... Vite, le doigt vers la Vierge. Ce qu'elle était verte, pensa-t-il, qu'elle était verte. Non, il ne le pensait pas, il se refusait d'y penser. D'ailleurs, elle était rouge aussi. Marie. Marie, Marie, elle venait trop vite, Marie. Il avait oublié, salut. Tant pis, c'était à refaire. Je... Et non, puisqu'il recommençait d'abord un signe de croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ainsi soit-il, évidemment, ça ne faisait rien. Je... Là, là, l'index vers la poitrine, deux bons coups pour bien montrer le je. Vous... Comment devait-il faire ? Bon Dieu, ce n'était pas si simple que cela. Et dire qu'au bout de cet ave, il devait en mettre un autre, puis un autre. Enfin, tant pis, recommençons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je... La poitrine, parfait. Vous, disait-il, vous. Voyons, disait-il, vous. Oui, vous, salut. Zut, il n'avait pas tourné le doigt pour vous. À refaire. Je... Non, je... Bien, la poitrine. Vous... Très bien, la statue. Salut, salut... Aïe, la grosse dame avait bougé. Juste au moment où cela marchait si bien. Fallait-il recommencer ? Non, où en était-il ? Ah oui. Salut. Se touchait-il la poitrine ? Oui, la preuve, son doigt y était. Eh bien, il avait tort. Il ne devait pas se toucher la poitrine, il devait saluer. Raté, à refaire. Je vous salue... Non, trop vite. Je vous salue, Marie. Encore trop vite. Je vous sa... Non! Je vous... Non! Je... Que devait-il faire? Les doigts, les yeux, la Vierge? Je... Qui ça? Je... Bon Dieu de bon Dieu, qui? Je...